Moi t'es sorti un petit samedi soir. Pour moi t'es point en pied vers doudou. Pas essayer comprendre pourquoi moi si près qu'on savon fait moi danser on dit. Boléro à six côtés pour moi baisser ça voler. Moi t'es sorti un petit samedi soir. Pour moi t'es point en pied vers doudou. Pas essayer comprendre pourquoi moi si près qu'on savon fait moi danser on dit. Boléro à six côtés pour moi baisser ça voler dans les yeux. Faut faire moins danser.